et moi. C'est le destin qui nous entraîne sur ce chemin. Toi et moi. C'est une mission, reproduction. Pérenniser toi et moi.